Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Oscar Duchemin. Je parcours le monde en van avec ma famille. En ce moment, on est en Russie. Et vous savez ce qu'il y a de génial avec ce pays ? C'est que c'est une terre de contes et de légendes. Et chaque mardi d'octobre, je vais vous en raconter une. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende du Leitchi. On ne l'appelait jamais par son prénom, si bien qu'il l'avait oublié. Comme il était d'apparence fragile et amoureux de la forêt, on l'avait nommé Brindille. Dès qu'il y prenait quelque chose, il l'honorait d'une prière. Personne en dehors de sa famille ne respectait plus la forêt. Il devint le souffre-douleur des autres enfants. Et personne ne disait rien, car un village peuplé de fiers bûcherons et de chasseurs orgueilleux n'avait que faire d'une simple brindille. Un jour, le garçon croisa une troupe d'enfants qui hurlaient à qui voulait l'entendre qu'ils partaient chasser le cerf et qu'ils deviendraient les rois du village. Brindille sourit. Avec tout le bruit qu'il faisait, il n'attraperait même pas un hamster. Le lendemain, le village s'agita. Les enfants n'étaient pas revenus. Une battue fut organisée. Tout le monde dut participer. L'espace d'un instant, Brindille trouva le destin cruel de lui faire chercher ceux qui le maltraitaient. Il chassa aussitôt cette pensée et glissa dans sa besace des œufs, car il se doutait de ce qui était arrivé. Le garçon s'enfonça au plus profond de la forêt, là où le soleil peinait à percer, l'air devenait humide et le silence roi. N'importe qui aurait eu l'impression d'être perdu, mais pas Brindille. Il connaissait la forêt mieux que le fond de sa poche. Il tendit l'oreille et reconnut des sanglots entrecoupés de rires moqueurs. Il remonta la piste et découvrit un vieux barbu mal fagoté assis sur une souche. Sa veste et son pantalon étaient enfilés à l'envers, ses souliers gauche et droit inversés. Il grignotait une pomme de pin fourrée de mousse en contemplant une grappe d'enfants suspendue à une branche. Brindille s'illumina de fierté. Il ne s'était pas trompé. C'était le Leitchi, le protecteur de la forêt qui les avait enlevés. « Quelle leçon vais-je pouvoir vous donner ?» Pour le mal que vous avez fait à la forêt. Et qu'ont-ils fait pour mériter votre colère? Le Leitchi toisa Brindille, qui avait pris soin d'inverser ses vêtements pour le flatter. Ils ont sifflé, hurlé, troublé le calme de mon domaine. Ils ont piétiné les plantes, brisé des branches et enfumé des terriers. Ils ont oublié le respect qu'ils devaient à la forêt. Contrairement à toi, jeune Brindille. Je suis sûr que mes camarades ne l'oublieront pas, n'est-ce pas ? Les petits prisonniers hochèrent la tête en silence. Brindille sortit alors de son sac les œufs et les offrit au Leitchi qui sourit. Apaisé, il écouta Brindille qui lui promit que désormais les habitants du village l'honoreraient dès qu'il puiserait dans les ressources de la forêt. Et voilà comment une simple brindille fit changer tout un village de bûcherons. Cette légende, c'est juste un tout petit bout de la culture russe. Si vous voulez en savoir plus sur la Russie, on a écrit un carnet de voyage avec mes parents et ma sœur. On y parle de nos rencontres avec ses habitants, de leurs coutumes, des animaux, des monuments. Vous pourrez même apprendre quelques mots de russe. Il y a aussi des jeux, et on a glissé des tas d'autocollants. Rendez-vous sur lesminimondes.fr, les mini, M-I-N-I, monde au pluriel, .fr, pour en savoir plus et le commander. Je vous laisse, on a encore des tas de choses à visiter et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle légende. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Pour organiser des raids 100% féminins.